Chez Jean Dumas-Fort de Dolbeau Mistassini, profitez des rabais automnales. Louez le F-150 2019 à $99 par semaine ou encore le Ford Escape 2019 à 0% sur 72 mois. Jean Dumas-Fort, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau Mistassini, 418-276-1316. N'hésitez pas à devenir membre de notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas-Fort, là où l'expérience client est inégalée. Tout le personnel et la direction de Jean Dumas-Fort de Dolbeau Mistassini vous incite fortement à acheter localement pour préserver les emplois de chez notre nous. Notre ami Tony Guzzo est en vacances cette semaine du BlitzNFL.com. Il est en Italie. Les gens qui sont familiers avec Tony sur les médias sociaux ont des belles photos de l'Italie, mais c'est un excellent frappeur de relève qui vient le remplacer. C'est son collègue au BlitzNFL.com, Simon Bouchard. Simon, que j'ai connu parce que je l'ai entendu à d'autres stations de radio. Salut Simon! Salut, Danny, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Simon, c'est-tu toi le maraudeur? Non, ça c'est Étienne, notre ami Étienne. Ah, ok, ok. Donc c'est Étienne, ok. Ouais. Évidemment, ben là, c'était le troisième qui se joint aux collaborateurs d'André Sport après Wallet puis Tony. Donc c'est pas mal le fun parce que je t'entendais ailleurs avec Marie Goudon puis avec d'autres stations de radio. Donc tu collabores un peu partout là, au Québec. Ben oui, effectivement. Shawinigan, Victoriaville, l'an passé du côté de Lévis, Québec. Ouais. Donc bien ça par les NFL, là. Et là, bien, tu m'offres la chance et je t'en remercie là, de parler dans ton coin de pays, mon ami. Simon, nouvelle cette semaine dans la NFL. Écoute, c'était pas vraiment une surprise. Jay Gruden a été convié à 6h du matin par son patron pour y annoncer qu'elle allait être congédiée. C'est pas vraiment surprenant, on savait déjà qu'elle allait être congédiée. Est-ce que Jay Gruden est une déception? Oui, une déception. Et je pense qu'on le savait du côté là, de Washington que le début de saison ne serait pas facile. Sans la présence d'un carrière numéro un. Et bon, ça s'est traduit là, par le congédiement de Gruden. C'était de quoi fallait s'attendre. Et moi, je vais vous faire une autre prédiction. Si les Falcons d'Atlanta ne gagnent pas en fin de semaine, il faut s'attendre à ce que le prochain, ça va être Dan Quinn du côté d'Atlanta qui est sur la corde raide également. Donc, c'est parce que Dan Quinn, ça fait au moins 2-3 semaines qu'on entend parler de ça. Effectivement, ça fait 2-3 semaines, mais là, je pense que en fin de semaine, il se doit de gagner, sinon la pression va être énorme sur lui. OK. L'histoire de la NFL de la première moitié de saison, c'est Gardner Minshew. Écoute, ce gars-là, choix de sixième ronde, c'est sûr que les Jaguars ont une fiche de 2 victoires, 3 défaites, mais il n'est pas mauvais jusqu'à maintenant. C'est tout le charisme que ce gars-là a. Est-ce que tu penses que c'est du sérieux, Minshew? Moi, je suis toujours prudent, Danny, ce genre de joueur-là. On se souvient l'an passé du début de saison de Ryan Fitzpatrick. Oui. On l'appelait Fitzmagic. Tout le monde tripait sur lui, tout le monde capotait sur lui, personne ne revenait de ses performances. On sait comment ça l'a terminé. Hein. Il n'a même pas terminé la saison, il n'est même plus avec la même équipe qu'il était. Donc, il est rendu avec une autre équipe cette année. Mais oui, c'est une belle histoire, il faut en profiter. C'est un gars qui a su saisir sa chance également là, du côté là, de Jacksonville. Donc, tout est à son honneur. Maintenant, est-ce que ça va continuer? On lui souhaite, mais moi, je demeure toujours sceptique sur... C'est One Hit Wonder là. Donc bien hâte de voir jusqu'où il va aller. Mais à date, on est obligé d'avouer, Danny, je suis d'accord avec toi, que c'est toute qu'une histoire et c'est une belle histoire là, du côté de Minshew. Charisme, pas beau bonhomme, mais sa moustache et si tu as le choix de sixième ronde. Puis tu sais, c'est un choix de sixième ronde, personnellement. Pourquoi c'est ça qui a été choisi en sixième ronde? Je l'ai compris un petit peu. C'est que lui, il était dirigé par Mike Lynch. Puis Mike Lynch, historiquement parlant, c'est pas lui qui a amené le plus de carrière. Là. Même si Wallet me dit il y a quelques semaines qu'il était surpris de le voir partir aussi tard, on a compris pourquoi un peu là. Ouais, ben c'est ça, hein? C'est des choses qui arrivent. On regarde l'historique du joueur, l'historique de l'organisation, on regarde dans quel calibre aussi qu'il joue. Mais on est obligé d'admettre, Danny, il connaît toute qu'une saison jusqu'à maintenant. OK. Les Steelers de Pittsburgh, est-ce que Mason Rudolph, est-ce que c'est confirmé qu'il est parti? Parce que moi, je l'ai vu cette semaine, il était à l'entraînement. Est-ce qu'il va être au poste de quart au prochain match des Steelers? Moi, je pense qu'on devrait entendre là, au match pour voir s'il va être corps arrière. Mais moi, je pense qu'on ne prendra pas de chance. Il s'est fait frapper quand même solidement. Et je trouve ça vraiment décevant parce que du côté de Pittsburgh, on était peut-être prêt à amorcer un changement de ce côté-là. Si Rudolph avait terminé la saison en force, si Rudolph avait bien paru, on aurait eu un questionnement à se poser du côté de Pittsburgh, à savoir est-ce qu'on y va pour faire le tournant l'après Ben Roethlisberger. Mais là, avec la blessure que Rudolph vient d'avoir, je pense que ça va être difficile du côté de Pittsburgh là, de ne pas revenir avec Big Ben l'an prochain. Est-ce que tu penses que Mike Tomlin pourrait son poste pourrait être en danger? Je sais que les Steelers, historiquement parlant, ils ne changent pas d'entraîneur, mais ça pourrait être une possibilité aussi? Ouais, le coach des Pittsburgh, moi, ça fait 2 ans ou 3 ans, tant Ouais, qu'à moi, qu'il est en danger. Mais là, ce qui peut le sauver, par exemple, c'est la blessure à Roethlisberger, c'est les blessures du côté de Pittsburgh. OK. Simon, on va y aller avec les matchs de la semaine maintenant. Moi, j'ai mon. Il y a quelques bons matchs cette semaine. Moi, mon match, écoute, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Les 49ers de San Francisco, c'est pas mon équipe favorite, c'est les Pats, évidemment. Mais les 49ers, j'aime bien sûr Jimmy G. Ils ont une fiche parfaite. Ils affrontent les Rams à Los Angeles. Je pense, c'est quand même moi, c'est un gros, gros test à Los Angeles pour les 49ers. Oui, un très gros test. Et je pense que les Rams. Il est encore tôt en saison pour dire de des matchs cruciaux. Là. Ouais. Mais les Rams ne doivent pas échapper ce match-là. On tomberait à deux parties de la tête là, du côté des Rams si on échappe ce match-là dans la division face aux 49ers. Donc, on se doit d'être très, mais très prudent, si tu veux avoir mon avis là, de ce côté-là. Oui, les 49ers, leur jeu au sol est explosif. Garoppolo joue du bon football. La défensive avec Bosa là, est vraiment, vraiment dominante. Et on s'en va du côté des Rams où ce qu'on a connu des ratés. Leur défensive ne joue pas à la hauteur depuis les derniers matchs. Et la carrière de Jared Goff prend de très mauvaises décisions. Donc, on souhaite, du côté des Rams, qu'on se replace là, dans leur force, c'est-à-dire l'offensive et le jeu au sol avec Todd Gurley. Ça va peut-être être un match de football, ça va être un match très serré, Danny. Moi, je vois les Rams sortir gagnants dans ce match-là, mais dans un match très, très serré. Philadelphie, Minnesota, c'est pas mauvais. Match à 13h également. Très bon match. Deux équipes qui se ressemblent ouais. un petit peu depuis le début de la saison. Deux équipes où le corps arrière, on ne sait pas à quoi s'attendre. Carson Wentz, dans certains matchs, est vraiment dominant. Dans d'autres matchs, est vraiment pitoyable. Du côté des Vikings du Minnesota, mais Kirk Cousins, c'est un peu la même chose. Donc, il y a énormément de pression sur Kirk Cousins. Et bien hâte de voir comment il va se débrouiller dans ce match-là. Mais la défensive des Vikings, je pense encore cette année, peut permettre là, à cette équipe-là d'aspirer là, à une place en série. Je pense que la défensive des Vikings va faire la différence dans ce match-là pour permettre aux Vikings de remporter la partie. OK. Nouvelle-Orléans-Jacksonville, c'est pas mauvais non plus. Les Saints qui sont une belle surprise. Alors, écoute, on pensait que ça allait foirer, mais l'importance d'avoir un bon deuxième quart, Teddy Bridgewater fait la relève jusqu'à maintenant. Effectivement, et surtout aussi, il ne faut pas oublier tout le système de jeu implanté ouais. par Sean Payton. Moi, on parle souvent de Bill Belichick comme l'un des meilleurs instructeurs de la NFL. Il ne faut pas oublier Peyton. C'est un très bon instructeur du côté de la Nouvelle-Orléans. Et quand, lorsqu'on voit un système de jeu si bien implanté et qu'on amène un corps arrière, substitut et aussi bien paraître, tout est en l'honneur des instructeurs et du système de jeu de l'équipe. OK. Simon Boucher, un gros, gros, gros merci. Donc, les gens peuvent le suivre également sur le blitznfl.com, qui est la référence, une des bonnes références de la NFL au Québec. Et on se reparle vendredi prochain. T'es avec nous pour les deux prochaines semaines, jusqu'au retour de Tony. Ben, au plaisir, Danny. Salutations aux gens de ton coin et au plaisir de se rencontrer, mon ami. Simon Boucher, notre collaborateur pour les deux prochaines semaines de la NFL.